Jacou le Croquant, écrit par Eugène Leroy, lu par Armen pour audiocité.net. À mon ami Alcide Dussolier. Premier chapitre. Le plus loin dont ils me souviennent, c'est 1815, l'année que les étrangers vinrent à Paris et où Napoléon, appelé par les messieurs du château de Lerme l'ogre de Corse, fut envoyé à Sainte-Hélène par de la Lémère. En ce temps-là, les miens étaient métayers à Combenègre, un mauvais domaine du marquis de Nansac, sur la lisière de la forêt Barade, dans le haut Périgord. C'était le soir de Noël. Assis sur un petit banc dans le coin de l'âtre, j'attendais l'heure de partir pour aller à la messe de minuit dans la chapelle du château, et il me tardait fort qu'il fût temps. Ma mère, qui filait sa quenouille de chanvre devant le feu, me faisait prendre patience à grand-peine en me disant des contes. Elle se leva enfin, alla sur le pas de la porte, regarda les étoiles au ciel et revint aussitôt. « Il est l'heure, » dit-elle. « Va, mon drôle, laisse-moi arranger le feu pour quand nous reviendrons. » Drôle qui, dans le parler du Périgord, signifie garçon, fille. Un drôle, une drôle, s'écrit sans accent circonflexe sur l'eau. Et aussitôt, allant quérir dans le fournil une souche de noyer gardée à l'exprès, elle la mit sur les landiers et l'arrangea avec des tisons et des copeaux. Cela fait, elle m'entortilla dans un mauvais fichu de laine qu'elle noua par derrière, enfonça mon bonnet tricoté sur mes oreilles et passa de la braise dans mes sabots. Enfin, ayant pris sa capuce de bure, elle alluma le falot aux vitres noircies par la fumée de l'huile, souffla le chalet pendu dans la cheminée et, étant sortie, ferma la porte au verrou en dedans au moyen de la clé torte qu'elle cacha ensuite dans un trou du mur. « Ton père la trouvera là, mais qu'il revienne !» Le temps était gris comme lorsqu'il va neiger, le froid noir et la terre gelée. Je marchais près de ma mère qui me tenait par la main, forçant mes petites jambes de 7 ans par grande hâte d'arriver, car la pauvre femme, elle, mesurait son pas sur le mien. C'est que j'avais tant ouï parler à notre voisine la Millon de Puymaigre de la crèche faite tous les ans dans la chapelle de Lerme par les demoiselles de Nansac qu'il me tardait de voir tout ce qu'elle en racontait. Nos sabots sonnaient fort sur le chemin durci, à peine marqué dans la lande grise et bien faiblement éclairé par le falot que portait ma mère. Après avoir marché un quart d'heure déjà, voici que nous entrons dans un grand chemin pierreux appelé Lucamifera, c'est-à-dire le chemin ferré, qui suivait le bas des grands coteaux pelés des Grillières. Au loin, sur la cime des thermes et dans les chemins, on voyait se mouvoir, comme des feux follets, les falots des gens qui allaient à la messe de minuit, ou les lumières portées par les garçons courant la campagne en chantant une antique chanson de nos pères, les Gaulois, qui se peut translater ainsi du patois. « nous sommes arrivés à la porte d'Éric, chef. » « Dame, donnez-nous l'étrenne du gui. Si votre fille est grande, nous demandons l'étrenne du gui. Si elle est prête à choisir l'époux, dame, donnez-nous l'étrenne du gui. Si nous sommes 20 ou 30, nous demandons l'étrenne du gui. Si nous sommes 20 ou 30 bons à prendre femme, dame, donnez-nous l'étrenne du gui. » Lorsque nous fûmes sous Puymaigre, une autre métairie du château, ma mère mit une main contre sa bouche et hucha fortement. « Oh, Mion !» La Mion sortit incontinent sur sa porte et répondit « Espère-moi, Françou !» Et un instant après, dévalant lentement par un chemin d'écourcière ou de raccourci, elle nous rejoignit. « Et tu emmènes le Jacou ? » fit-elle en me voyant. M'en parle pas, il veut y aller que le ventre lui en fait mal, et avec ça notre Martissou est sorti, je ne pouvais pas le laisser tout seul. » Un peu plus loin, nous quittions le chemin qui tombait dans l'ancienne route de Limoges à Bergerac, venant de la forêt, et nous suivîmes cette route un quart d'heure de temps jusqu'à la grande allée du château de Lerme. Cette allée large de 60 pieds, dont il ne reste plus de traces aujourd'hui, avait deux rangées de vieux ormeaux de chaque côté. Elle était pavée de grosses pierres, tandis qu'une herbe courte poussait dans les contre-allées où il faisait bon passer l'été. Elle montait en droite ligne au château campé sur la cime du puits, dont les toits pointus, les pignons et les hautes cheminées se dressaient tout noirs dans le ciel gris. Comme nous grimpions avec d'autres gens rencontrés en chemin, il commença de neiger fort, de manière que nous étions déjà tout blancs en arrivant en haut. Et cette neige, qui tombait en flottant, faisait dire aux bonnes femmes « Voici que le vieux Noël plume ses oies ». La porte extérieure, renforcée de gros clous à tête pointue pour la garder jadis des coups de hache, était ce soir-là grande ouverte et donnait accès dans l'enceinte circulaire bordée d'un large fossé au milieu de laquelle était le château. Cette porte était percée dans un bâtiment crénelé défendu par des meurtrières, maintenant rasées, et sous la voûte qui conduisait à la cour intérieure, un fanal se balançait éclairant l'entrée et le pont jeté sur la douve. Au fond de l'enceinte de murs solides et à droite du château, on voyait briller les vitraux enflammés d'une chapelle qui n'existe plus. Ma mère tua son falot et nous entrâmes. Que de lumière! Dans le cœur de la chapelle, le vieil autel de pierre en forme de tombeau en était garni, et voici qu'on achevait d'éclairer la crèche de verdure faite dans une large embrasure de fenêtre. Après s'être signés avec de l'eau bénite, les gens allaient s'agenouiller devant la crèche et prier l'enfant Jésus qu'on voyait couché dans une mangeoire sur de la paille reluisante comme de l'or, entre un bœuf pensif et un âne tout poilu qui levait la tête pour attraper du foin à un petit râtelier. Que c'était beau! On aurait dit une croze ou une grotte, toute garnie de mousse, de buis et de branches de sapin sentant bon. Dans la lumière amortie par la verdure sombre, la Sainte Vierge en robe bleue était assise à côté de son nouveau-né. Et près d'elle, Saint Joseph, debout en manteau vert, semblait regarder tout ça d'un œil attendri. Un peu à distance, accompagnés de leurs chiens, les bergers agenouillés, un bâton recourbé en crosse à la main, adoraient l'enfant son, tandis que, tout au fond, les trois rois mages, guidés par l'étoile qui brillait suspendue à la voûte de branches, arrivaient avec leurs longues barbes, portant des présents. Je regardais goulûment toutes ces jolies choses, avec les autres qui étaient là, écarquillant nos yeux à force. Mais il nous fallut bientôt sortir du chœur réservé aux messieurs, car la messe était sonnée. Ils entrèrent tous comme en procession. D'abord le vieux marquis, habillé à l'ancienne mode d'avant la Révolution, avec une culotte courte, des bas de soie blanc, des souliers à boucles d'or, un habit à la française de velours brun à boutons d'acier ciselés, un gilet à fleurs brochées qui lui tombait sur le ventre, et une perruque enfarinée, finissant par une petite queue entortillée d'un ruban noir qui tombait sur le collet de son habit. Il menait par le bras sa bru, la comtesse de Nansac, grosse dame coiffée d'une manière de châle entortillée autour de sa tête et serrée dans une robe de soie couleur puce dont la ceinture lui montait sous les bras quasi. Puis venait le comte en frac à l'anglaise, en pantalon collant gris à sous-pieds, menant sa fille aînée qui avait les cheveux courts et frisés comme une drôlette, quoiqu'elle fût bien en âge d'être mariée. Ensuite venait un jeune garçon d'une douzaine d'années, quatre demoiselles entre 6 et 17 ans, et une gouvernante qui menait la plus jeune par la main. Tout ce monde défile à regarder de côté par les paysans craintifs et à se placer sur des prie-dieu alignés dans le cœur. Et la messe commença, dite par un ancien moine de Saint-Amand de Colly qui s'était habitué au château, trouvant le gîte bon et servi par le jeune monsieur Blondin, chaussé de jolis escarpins découverts, habillé d'un pantalon gris clair et d'un petit justaucorps de velours noir, sur lequel retombait une collerette brodée. Au moment de la communion, les femmes de la campagne mirent leurs voiles et attendirent. Les messieurs ne se dérangèrent pas. Comme de juste, le chapelain vint leur porter le bon Dieu d'abord. Tous ceux qui étaient d'âge compétent communièrent, manque le vieux marquis, lequel, disaient les gens du château, par suite d'une grande imbécilité d'estomac, ne pouvait jamais garder le jeûne le temps nécessaire. Mais les vieux du pays riaient de ça, se rappelant fort bien qu'avant la Révolution, ils ne croyaient ni à Dieu ni au diable, ni à l'aversier, cet être mystérieux, plus puissant et plus terrible que le diable. Après les messieurs, ce fut le tour des domestiques. Agenouillés à la balustrade qui fermait le cœur, monsieur Laborie, le régisseur en tête, avec sa figure dure et fourbe en même temps. Ensuite vinrent les bonnes femmes voilées, les paysans, métayers du château, journaliers et autres manants comme nous. Pour tous ceux qui étaient sous la main des messieurs, il fallait de rigueur communier aux bonnes fêtes, c'était de règle. Pourtant, ma mère n'y alla pas cette fois. Mais on sut bien le lui reprocher, puis après. La messe finie, dont Ange Albert posa son ornement doré sur le coin de l'autel, et la grille de la balustrade ayant été ouverte, on nous fit entrer tous dans le chœur pour prier devant la crèche. On chanta d'abord un Noël ancien, entonné par le chapelain. Ensuite, chacun fit son oraison à part. Tout ce monde à genoux regardait pieusement le petit Jésus rose aux cheveux couleur de lin, en marmottant ses prières. Quand voici que tout d'un coup il ouvre les bras, remue les yeux, tourne la tête et fait entendre un vagissement de nouveau-né. Alors, de cette foule de paysans superstitieux sortit discrètement un « Oh !» d'étonnement et d'admiration. Ces bonnes gens, bien sûr, pensaient pour la plupart qu'il y eut là quelque miracle, et en restaient immobiles, les yeux écarquillés, badant avec l'espoir que le miracle allait recommencer. Mais ce fut tout. Lorsque nous sortîmes en foule, tout ce monde babillait, échangeant ses impressions. D'aucuns tenaient pour le miracle. D'autres étaient en doute, car de vrais incrédules point. Ma mère s'en fut allumer notre falot à la cuisine, dont la porte ouverte flambait au bas de l'escalier de la tour. Quelle cuisine ! Sur de gros contre-hâtiers de fer forgé brûlait un grand feu de bois de brasse, devant lequel rôtissait un gros coq d'Inde au ventre rebondi, plein de truffes qui sentaient bon. Au manteau de la cheminée, un râtelier fait à l'exprès portaient une demi-douzaine de broches avec leurs attelets, placées par rang de taille. Accrochées à des planches fixées au mur, des casseroles de toute grandeur brillaient des reflets du foyer, au-dessous de chaudrons énormes et de bassines couleur d'or pâle. Des moules en cuivre rouge ou étamé étaient posés sur des tablettes, et encore des ustensiles de forme bizarre dont on ne devinait pas l'usage. Sur la table longue et massive, des couteaux rangés par grandeur sur un aperon et des boîtes en fer battu à compartiment pour les épices. Deux grilles étaient là aussi, chargés l'un de boudin, l'autre de pieds de porc, tout prêts à être posés sur la braise qu'une fille de cuisine tirait par côté de la cheminée. Il y avait encore sur cette table des pièces de viande froide et des pâtés qui faisaient plaisir à voir dans leur croûte dorée. Ayant allumé son falot, ma mère remercia et donna le bonsoir à ceux qui étaient là. Mais les deux femmes seules le lui rendirent. quant aux chefs cuisiniers qui se promenaient, leur donnant des ordres, glorieux comme un dindon avec sa veste blanche et son bonnet de coton, il ne daigna tant seulement pas lui répondre. Au-delà de la première porte, après avoir passé le pont, la Millon de Puymaigre et d'autres nous attendaient. Leurs falots ayant été allumés au nôtre, nous nous en allâmes tous. Il neigeait toujours, comme qui jette de la plume d'oie à grande poignée, pour parler ainsi que les bonnes femmes, et la neige était épaisse d'un pied déjà, dans laquelle nos sabots enfonçaient. À mesure que les gens rencontraient leur chemin, ils nous laissaient avec un « adieu soit ». À Puymaigre, la Millon nous ayant quittés, nous suivîmes seuls notre route. Cette neige me lassait fort, et tout au rebours de l'allée, je me faisais tirer par le bras. « Tu es fatigué, » dit ma mère. « Monte à la chèvre morte !» Et s'étant baissé, je grimpais à cheval sur son échine, entourant son col de mes petits bras, tandis qu'avec les siens, elle ramenait mes jambottes en avant. Tout en allant, je lui faisais des questions sur tout ce que j'avais vu, principalement sur le petit Jésus. « Est-ce qu'il est vivant ?» dit. Ma mère, qui était une pauvre paysanne ignorante comme celle qui n'entendait pas seulement le français, mais femme de bon sens au demeurant, me fit comprendre que s'il avait remué, c'était par le moyen de quelque mécanique. Et elle allait toujours, lentement, enfonçant dans la neige molle, me rehissant d'un coup de rein lorsque j'avais glissé quelque peu, et s'arrêtant de temps à autre pour secouer contre une pierre ses sabots embottés de neige. Un vent âpre s'était levé, faisant tourbillonner la neige qui tombait toujours à force. La campagne déserte était toute blanche. Les coteaux semblaient couverts d'un grand linceul triste, comme ceux qu'on met sur la caisse des pauvres morts. Les châtaigniers, aux formes bizarres, marquaient leurs branches tourmentées par une ligne blanche. Les fougères, poudrées de neige, penchaient vers la terre, tandis que sur les bruyères, la brande et les ajoncs, plus solides, elles s'amassaient par places. Un silence de mort planait sur la terre désolée, et l'on n'entendait même pas le bruit des pas de ma mère amortis par la neige épaisse. Pourtant, comme nous entrions dans la lande du Grand Castan, un crapaud volant jeta dans la nuit son cri malplaisant qui me fit frissonner. Cependant, ma mère peinait fort à suivre le mauvais chemin perdu sous la neige. Des fois, elle s'écartait un peu, et, le connaissant, revenait incontinent, se guidait sur un arbre une grosse touffe d'ajonc, une flaque d'eau gelée maintenant. Moi, bercé par le mouvement, malgré le froid, je finissais par m'endormir sur son échine, et mes bras gourds se dénouaient malgré moi. « Tiens-toi bien !» me disait-elle. « Dans un moment, nous serons chez nous. » Malgré ça, j'avais peine à me tenir éveillée, lorsque tout à coup, à 100 pas en avant, éclate un hurlement prolongé qui me fit passer dans la tête comme un millier d'épingles. Et je vois une grande bête, comme un bien fort chien aux oreilles pointues, qui gueulait ainsi en levant le museau vers le ciel. « N'aie pas peur, » me dit ma mère. Et m'ayant donné le falot, elle ôta ses sabots, en prit un dans chaque main et marcha droit à la bête, en les choquant l'un contre l'autre à grand bruit. Ça n'est pas pour dire, mais lors, j'aurais fort voulu être couché contre elle dans le lit bien chaud. Lorsque nous fûmes à une 50aine de pas, le loup se jeta dans la lande en quelques sauts, et nous passâmes, épiant de côté, sans le voir pourtant. Mais un instant après, le même hurlement sinistre s'éleva en arrière, qui m'effraya encore plus, car il me semblait que le loup fût sur nos talons. De temps à autre, ma mère se retournait, faisant du tapage avec ses sabots pour effrayer cette mâle bête. Mais si ça gardait le loup d'approcher trop, ça ne l'empêcha pas de nous suivre à une 30aine de pas jusqu'à la claire voie de notre cour. Ayant pris la clé torte dans la cache, car mon père n'était pas rentré, ma mère fit jouer le loquet de dedans et referma vivement la porte derrière nous. Au lieu du bon feu que nous pensions trouver, la souche était sur les landiers, toute noire, éteinte. « Ah ! » s'écria ma mère, « c'est méchant signe, il nous arrivera quelque malheur !» En farfouillant sous la cendre avec une brindille, elle trouva quelques braises sur lesquelles elle jeta un petit fagot de menu bois qui flamba bientôt sous le vent du tuyau de fer qu'elle mit à sa bouche. Lorsque je fus un peu réchauffée, n'ayant plus peur du loup, je dis « Mère, j'ai faim !»« Pauvre drôle, il n'y a rien de bon ici » fit-elle, pensant au réveillon du château. Et découvrant une marmite, elle ajouta « Te voici une mique !» Tout en mangeant cette boule de farine de maïs pétrie à l'eau, cuite avec des feuilles de chou, sans un brin de lard dedans et bien froide, je pensais à toutes ces bonnes choses vues dans la cuisine du château, et je ne le cache pas, ça me faisait trouver la mique mauvaise, comme elle l'était de vrai, mais ordinairement je n'y faisais pas attention. Oh, je n'étais pas bien gourmand en pensée, je n'appétais pas la dinde truffée ni les pâtés, mais seulement un de ces beaux boudins d'un noir luisant. Pourquoi là-haut tant de bonnes choses, plus que de besoin, et chez nous de mauvaises miques froides de la veille? Dans ma tête d'enfant, la question ne se posait pas bien clairement, mais tout de même, il me semblait qu'il y avait là quelque chose qui n'était pas bien arrangé. « Il te faut aller au lit, » dit ma mère. Elle me prit sur ses genoux et me dépouilla en un tour de main. Aussitôt couché, je m'endormis sans plus penser à rien. Lorsque je me réveillais le lendemain, ma mère attisait le feu sous la marmite où cuisait la soupe, et mon père triait sur la table les oiseaux attrapés la nuit à la palette. Aussitôt levé, je vins le voir faire. Il y en avait une trentaine, petits ou gros, grives, merles, pinsons, verdiers, chardonnerets, mésanges, et même un mauvais jet. Mon père les assemblait pour les vendre mieux par 5 ou 6, avec un fil qu'il leur passait dans le bec. Ayant fini, il mit toutes ces pauvres bestioles dans son havresac et le pendit à un clou de crainte de la chatte. Cela fait, ma mère ayant taillé le pain cependant, fit bouillir la marmite et trempa la soupe. Il était un peu tôt, sur les 8 heures, mais mon père voulait aller à Montignac vendre ses oiseaux. Ayant mis la soupière sur la table, ma mère nous servit d'abord mon père et moi, puis elle ensuite, et nous nous mîmes à manger de bon goût, et enfin tous trois, surtout mon père, qui avait passé presque toute la nuit dehors. Lorsqu'il eut mangé ses 2 grandes assiettes de soupe et bu, mêlées à un reste de bouillon, de mauvaises piquettes gâtées, ma mère ôta les assiettes de terre brune, décrocha l'houle de la crémaillère et versa sur la nappe de grosse toile grise les châtaignes fumantes. C'est bon, les châtaignes blanchies lorsqu'elles sont vertes. Lorsqu'elles ont passé par le séchoir, ça n'est plus la même chose. Mais quoi, il faut bien les manger sèches, puisqu'on ne peut pas les garder toujours vertes. Nous les mangions donc tout de même avec des raves un peu grillées qui étaient au fond de l'houle et triant les gâtés pour les poules. Lorsqu'il n'y eut plus de châtaignes, mon père but un plein gobelet de piquettes, s'essuya les babines avec le revers de la main et se leva. « Il te faudra me porter une paire de sabots, » lui dit ma mère. « J'ai fini d'écraser les miens en faisant peur à cette méchante bête de loup. « Je t'en porterai, mais que je vende mes oiseaux, » répondit mon père, « car autrement je n'ai point de sous. » Et prenant une petite baguette au balai de genêt, il la mit dans le vieux sabot de ma mère et la coupa juste à la longueur. Cela fait, il prit son havresac, mit la mesure dedans, décrocha le fusil au manteau de la cheminée et s'en alla, laissant notre chienne, qui voulait bien le suivre pourtant. « Tu te perdrais là-bas, à Montignac. » Moi, je restais à me chauffer dans le coin du feu, mais bientôt, ne pouvant tenir en place, comme c'est l'ordinaire des petits drôles, je sortis sur le pas de la porte. Il était tombé de la neige toute la nuit. Dans notre cour, il y en avait 2 pieds d'épaisseur, de manière qu'il avait fallu faire un chemin avec la pelle pour aller à la grange donner aux bestiaux. Du côté de la forêt, au loin, la lande n'était plus qu'une large plaine blanche, semée çà et là de grandes touffes d'ajoncs dont la verdure foncée s'apercevait aux pieds. Sur les coteaux, les maisons grisâtres, sous leurs tuilés chargées de neige, fumaient lentement. Là-bas, sur ma droite, j'apercevais le château de Lerme avec ses tours noires, coiffées d'une perruque blanche, comme le vieux marquis de Nansac. Devant moi, à une lieue de pays, les hauteurs de Tourtel, avec leurs arbres dépouillés et chargés de givre, cachaient le massif clocher de Rouffignac, où les cloches commençaient à campaner, appelant les gens à la messe. Un peu sur la droite, à demi-heure du chemin, la métairie de Puits Maigre, les portes closes, semblait comme endormie au flanc du coteau. Et en haut, tout en haut, dans le ciel couleur de plomb, des corbeaux battaient lourdement l'air de leurs ailes et passaient en couanant. Près de moi, le long du mur de notre cour, dans un gros tas de fagots, un rouge-gorge sautelait, cherchant un bourgeon desséché ou, dans les trous du mur, quelques barbottes engourdies par le froid. Sous la charrette, nos 4 poules se tenaient tranquilles à l'abri. Le temps était toujours dur. Un aigre vent de bise faisait poudroyer la neige sur la campagne ensevelie et coupait la figure. Je rentrais vite m'asseoir dans le coin du foyer. « Nous irons à la messe, mère ?» demandai-je. « Non, mon petit, il fait trop méchant en temps, et puis nous y avons été cette nuit. » Je m'ennuyais bientôt de ne rien faire et de ne pouvoir sortir, car la maison basse et délabrée n'était guère plaisante. Il n'y avait qu'une chambre, pas bien grande encore, qui servait de cuisine et de tout, comme c'est assez l'ordinaire dans les anciennes métairies de notre pays. On n'y voyait guère non plus, car il n'y avait qu'un petit fenestrou fermant par un contrevent sans vitre, de manière que, lorsqu'il faisait mauvais temps et qu'il était clos, la clarté ne venait qu'un petit peu au-dessus de la porte et par la cheminée large et basse. Joint à ça que les murs décrépits étaient sales, et le plancher du grenier tout noirci par la fumée, ce qui n'était pas pour y faire voir plus clair. Dans un coin touchant la cheminée, était le grand lit de grossière menuiserie où nous couchions tous trois, et au pied du lit, à des chevilles plantées dans le mur, pendaient quelques méchantes hardes. Du côté opposé, il y avait un mauvais cabinet tout troué par les verres, auquel il manquait un tiroir, et dont un pied pourri était remplacé par une pierre plate. Dans le fond, la mets où l'on serrait le chanteau. Sous la mets, une tourtière à faire les milas, et à côté, un sac de métaille à moitié plein, posé sur un bout de planche pour le garder de l'humidité de la terre. À l'entrée, près de la porte, était dressée l'échelle de meunier qui montait à la trappe du grenier, et sous l'échelle, un pilot de bois pour la journée. Dans un autre coin était l'évier, dont le trou ne donnait guère de chaleur par ce temps de gel, et au milieu, une mauvaise table avec ses 2 bancs. Aux poutres pendaient des épis de blé d'Espagne, quelques pelotons de fil, et c'était tout. La maison avait été pavée autrefois de petits cailloux, mais il y en avait la moitié toute dépavée, ce qui faisait des trous où l'on marchait sur la terre battue. En ce temps dont je parle, je ne faisais pas guère attention à ça, étant né et ayant été élevé dans des baraques semblables. Mais depuis, j'ai pensé qu'il était un peu bien odieux que des chrétiens, comme on dit, fussent logés ainsi que des bêtes. Ou c'est le pire encore, c'est lorsque la famille est nombreuse, et que tous, pères, mères, garçons et filles, petits et grands, loge dans la même chambre entassée dans 2 ou 3 lits, à 3 ou 4, en maladie comme en santé. Tout ça n'est pas bien sain ni convenable. Il n'est pas honnête non plus que le père et la mère se dépouillent devant leurs enfants, les sœurs devant les frères, Et puis, quand ces enfants prennent de l'âge, il n'est pas bonnement possible qu'ils ne s'aperçoivent pas de choses qu'ils ne devraient point voir et ne surprennent des secrets qu'ils devraient ignorer. Mais revenons. Ma mère, me voyant tout de loisir et ne sachant que faire, coupa avec la serpe des petites bûchettes bien droites et me les donna. « Tiens, fais des petites quilles et tu t'en amuseras. » Je façonnai ces quilles de mon mieux avec son couteau et, ayant fini, je les plantai et me mis à tirer dessus avec une pomme de terre bien ronde en manière de boule. Cependant, ce triste jour de Noël touchait à sa fin. Sur les 4 heures, mon père revint de Montignac. En entrant, il se secoua, car il était tout blanc, la neige tombant toujours, et posa son fusil dans le coin du foyer. Ensuite, ayant ôté son havre-sac, il en tira une paire de sabots jaunes en bois de vergne, liés par un brin de vime, et les posa à terre. Ma mère mit le pied dans un sabot et dit « Ils m'iront tout à fait bien. Et que te coûte-t-il » « 12 sous. Et 6 liards de clous pour les ferrer. Ça fait 13 sous et demi. J'ai vendu les oiseaux 26 sous. J'ai acheté un tortillon pour le jacou. Ça fait qu'il me reste 11 sous et 2 liards. Te les voilà. » Ma mère prit les sous et alla les mettre dans le tiroir du cabinet. Alors mon père, ayant pris le tortillon dans la poche de dessous de sa veste, me le donna. Je l'embrassai et je me mis à manger ce gâteau de paysan après en avoir porté un morceau à ma mère qui ne le voulut pas. « Non, mon petit, mange-le, toi. »« Ah, quel bon tortillon ! J'ai depuis tâté de la tourte aux prunes et même, une fois, du massepain. Mais je n'ai jamais rien mangé de meilleur que ce premier tortillon. » Mon père me regardait faire avec plaisir, tout heureux de ce que j'étais content, le pauvre homme. Puis il se leva, alla quérir dans le tiroir du cabinet un vieux marteau rouillé et, revenant près du feu, se mit à ferrer les sabots. Lorsqu'il eut fini, il ôta les brides des vieux et les posa aux neufs, après les avoir ajustés à la mesure du pied. Étant ainsi tout prêt, ma mère prit les sabots sur le champ, car elle n'avait autre chose à se mettre aux pieds. Après ça, elle descendit de la crémaillère loule où cuisait pour le cochon, et, ayant vidé les pommes de terre dans le bac, les écrasa avec la pelle du foyer en y mêlant quelques poignées de farine de blé rouge. Puis, ayant laissé manger un peu notre chienne, elle porta cette bacade ou pâté à notre porc, qui, connaissant l'heure, geignait fort en cognant son nez sous la porte de son étable. La nuit noire venue, le chalet fut allumé, et ma mère, en ayant fini avec le cochon, découvrit la tourtière où cuisait un ragoût de pommes de terre pour notre souper. Après l'avoir goûté, elle y ajouta quelques grains de sel et mit sur la table 3 assiettes et 3 cuillères de fer rouillées quelque peu. 2 gobelets, elle n'en mit que 2. Pour la bonne raison que nous n'en avions pas davantage, moi je buvais dans le sien. Après cela, elle alla tirer à boire dans le petit cellier attenant à la maison et, étant rentrée, mit la tourtière sur la table. De ce temps, mon père, revenu de la grange, où il avait été soigner les bœufs, avait tiré de la mais une grande tourte plate de pain de métail, seigle et orge, avec des pommes de terre râpées, et, après avoir fait une croix sur la sole avec la pointe de son couteau, se mit à l'entamer. Mais c'était tout un travail. Cette tourte était la dernière de la fournée faite il y avait près d'un mois, de manière qu'elle était dure en diable, un peu gelée peut-être, et criait fort sous le couteau que mon père avait grand-peine à faire entrer. Enfin, à force, il en vint à bout, mais en séparant le chanteau, il vit qu'il y avait dans la mie par place des moisissures toutes vertes. « C'est bien trop de malheur, » fit-il. On dit « blé d'un an, farine d'un mois, pain d'un jour », mais ce dicton n'était pas à notre usage. Nous attendions toujours la moisson avec impatience, heureux lorsque nous pouvions aller jusque-là sans emprunter quelques mesures de seigle ou de baillarge. Et pour le pain, nous ne le mangions jamais tendre, on en aurait trop mangé. Si mon père se faisait tant de mauvais sang pour un peu de pain perdu, c'est qu'autrefois, chez les pauvres, on en était très ménagé. Le pain, même très noir, dur et grossier, était une nourriture précieuse pour ceux qui vivaient en bonne partie de châtaignes, de pommes de terre et de bouillies de blé d'Espagne. Puis les gens se souvenaient des disettes fréquentes autrefois et avaient ouï parler par leurs anciens de ces famines où les paysans mangeaient les herbes des chemins comme des bêtes et ils sentaient vivement le bonheur de ne pas manquer de ce pain sauveur. Aussi pour le paysan, ce pain, obtenu par tant de sueurs et de peines, avait quelque chose de sacré. De là ses recommandations incessantes aux petits drôles de ne point le prodiguer. Mon père resta un bon moment tout estomaqué, regardant fixement le pain gâté. Mais qu'y faire? Il coupa donc 3 morceaux de pain, ôtant à regret le plus moisi et le jetant à notre chienne. Puis nous nous mîmes à souper. Il n'y avait pas grande différence entre notre ragoût et la pâtée du cochon. C'était toujours des pommes de terre cuites dans l'eau, seulement dans notre manger, il y avait un peu de graisse rance, gros comme une noix, et du sel. Avec un souper comme ça, on ne s'attarde pas à table. Pourtant, nous y restâmes longtemps, car il fallait avoir de bonnes dents pour mâcher ce pain dur comme la pierre. Aussitôt que nous eûmes fini, ma mère me mena dehors, puis me mit au lit. Ce mauvais temps de neige dura une dizaine de jours, qui me semblèrent bien longs. C'est que ça n'est rien de bien plaisant que d'être enfermé toute une grande journée dans une maison comme la nôtre, noire et froide. Lorsqu'il fait beau, ça passe. On est tout le jour dehors sous le soleil. On ne rentre guère au logis que le soir pour souper et dormir. Et ainsi, on n'a pas le loisir de s'ennuyer. Mais par ce méchant temps, si je mettais le nez sur la porte, je ne voyais au loin que la neige et toujours de la neige. Personne au champ, les gens étant au coin du feu, et les bêtes couchées sur la paillade dans les tables tièdes. Cette solitude triste, cette campagne morte, sans un bruit, sans un mouvement, me faisait frissonner autant que le froid. Il me semblait que nous étions séparés du monde, et de fait, dans ce lieu perdu, avec plus de 2 pieds de neige partout, et des fois un brouillard épais venant jusqu'à notre porte, c'était bien la vérité. Pourtant, malgré ça, le matin, ayant donné à manger aux bœufs et aux brebis, mon père prenait son fusil et s'en allait avec notre chienne chercher un lièvre à la trace. Il en tua 5 ou 6 dans ces jours-là, car il était adroit chasseur et la chienne était bonne. Ça fut heureux. Nous n'avions plus chez nous que les 11 sous et demi rapportés le jour de la Noël. Mais il lui fallait se cacher pour vendre son gibier et aller au loin, à Thenon, au Bugue, à Montignac, son havresac sous sa blouse à cause de nos messieurs de Nansac qui étaient très jaloux de la chasse. Ces quelques lièvres, donc, mirent un peu d'argent dans le tiroir du cabinet, quoiqu'on ne les achetât pas cher, car il ne fallait pas penser de les vendre au marché, mais les proposer aux aubergistes, qui profitaient de l'occasion et vous payaient dans les 25 sous un lièvre pesant 6 ou 7 livres. Dans la journée, lorsqu'il était rentré, mon père faisait des paniers en vime blanc, des rondelles pour atteler les bœufs avec de la guidalbre ou liane, des cages en bois et autres menus ouvrages comme ça, pour avoir quelques sous. Ça m'amusait un peu de le voir faire et de m'essayer à tresser un panier comme lui. Quoique notre pain fût bien noir, bien dur, nous l'eûmes fini tout de même avant la fonte des neiges. Le meunier de Bramefond ne pouvant pas venir nous rendre notre mouture, nous ne pouvions pas cuire de manière qu'il nous fallut aller emprunter une tourte à la Millon de Puymaigre, qui nous la prêta avec plaisir, car c'était une bonne femme, encore que, des fois, elle moucha bien un peu force et drôle lorsqu'ils avaient mal fait. Pour le dire en passant, cette tourte n'a jamais été rendue à la Millon. La coutume veut que l'emprunteur du pain ne le rende pas de son chef. C'est le prêteur qui doit venir le chercher, faisant semblant d'en avoir besoin. Mais la Mignon, par la suite, nous voyant dans la peine et le malheur, n'est jamais venue la demander. Enfin le dégel vint, et les terres grises détrempées reparurent, laissant voir les blés verts qui pointaient sur les sillons. Lorsque la terre fut un peu ressuyée, ma mère fit sortir les brebis, car la feuille que nous avions ramassée pour l'hiver était mangée, et notre peu de regain était presque fini. Elle m'emmena avec elle, touchant nos bêtes vers les coteaux pierreux des grillières, où poussait une petite herbe fine qu'elles aimaient fort. C'était dans l'après-midi. Un pâle soleil d'hiver éclairait tristement la terre dénudée, et un petit vent soufflait par moments froid comme les neiges des monts d'Auvergne sur lesquels il avait passé. Mais au prix du temps qu'il avait fait une dizaine de jours durant, c'était un beau jour. Ma mère et moi nous étions assis à l'abri du nord contre un de ces gros tas de pierres que nous appelons un chérou. Elle filant sa quenouille, et moi m'amusant à faire de petites maisons, tandis que nos brebis paissaient tranquillement. Sur les 3 heures, tandis que je mordais ferme dans un morceau de pain que ma mère avait porté, voici que nos brebis, effrayées par un chien, reviennent vers nous au galop et nous dépassent en menant grand bruit. S'étant levé pour les ramener, ma mère vit alors un garde de l'herbe appelé Mascret, qui lui cria de s'arrêter. Lorsqu'il nous eut joints, sans aucune forme de salut, il lui dit de se rendre tout d'abord au château où le régisseur voulait lui parler. « Et que me veut-il de si pressé ? » fit ma mère. « Ça, je n'en sais rien, mais il vous le dira bien. » Et le garde s'en alla. Nous fûmes vers les brebis qui s'étaient plantées à 200 pas, regardant toujours le chien qui les avait effrayées. Puis, les chassant devant nous et descendant le coteau, nous revînmes à Combenaigre, d'où ma mère repartit pour l'herbe après avoir fermé les bêtes dans l'étable. Lorsqu'elle fut de retour à la nuit, mon père lui demanda « Et que te voulait-il, ce vieux coquin ?»« Ah, voilà !» D'abord, il m'a reproché de n'avoir pas fait mes dévotions le soir de Noël, comme les autres, ni même toi, qui n'avais pas tant seulement été à la messe, ce dont les dames n'étaient pas du tout contentes, et l'avaient chargé de me le dire. Après ça, il m'a dit que tu braconnais toujours, de manière que monsieur le comte ne trouvait plus de lièvre de vers Combenaigre, et qu'il te faisait prévenir de cesser et de te défaire de notre chienne. Enfin, il a ajouté qu'il nous fallait totalement changer de conduite, sans quoi les messieurs nous mettraient dehors. « Nous ne sommes pas bien embarrassés pour trouver une aussi mauvaise métairie, » fit mon père. « Et autrement, il ne t'a rien dit ?»« Oh si, toujours sa même chanson, que lui n'était pour rien dans tout ça, qu'il faisait la commission seulement. » Au contraire, il nous portait beaucoup d'intérêt, et si je voulais l'écouter, tout s'arrangerait. Il nous mettrait dans la métairie des phages, qui était bien bonne, et de plus, il te donnerait du bois à couper dans la forêt tous les hivers où tu gagnerais des sous. C'est ça, et du temps que je serais dans les bois, il viendrait voir un peu aux phages si le bétail profitait. Et que lui as-tu répondu ? Je lui ai répondu d'abord que, pour ce qui était de la communion, nous n'avions pas le temps d'aller nous confesser souvent, étant si loin, que c'était bon pour les gens de loisir, mais que, pour nous autres, c'était bien assez d'y aller une fois l'an. Et puis, d'ailleurs, ai-je ajouté, si je vous écoutais, je ne pourrais pas même faire mes Pâques, car le curé ne voudrait pas me donner l'absolution. « Mais bête que tu es, a-t-il fait alors, est-ce qu'on a besoin de lui dire ça ?»« Ah, la canaille !» s'écria mon père. Si jamais je le trouvais au milieu de la forêt, par là, entre la Grand-Val et le Croc de Mortier, il passerait un mauvais quart d'heure. Reste tranquille, il nous arriverait de la peine, dit ma mère. Tu sais bien que pour ça, il n'y a pas de danger. Mon père ne répliqua rien et se mit à regarder le feu. À ce moment-là, moi, je ne comprenais pas grand-chose à cette conversation, et je mettais toute la colère de mon père sur le compte de la défense de chasser. Je savais bien, pour l'avoir ouï dire souvent chez nous et à d'autres métayers du château, que M. Laborie était un homme dur, exigeant, injuste, qui trompait les pauvres gens tant qu'il pouvait, faisant sauter un louis d'or ou un écu sur un compte de métayer, rapiant 5 sous à un misérable journalier s'il ne pouvait faire davantage. Et puis, comme on ajoutait toujours « grand chenassier », terme dont la signification m'était inconnue alors, et que je croyais vouloir dire autant comme « grand coquin », mais c'était tout. Aujourd'hui, quand je pense à ce gueusard qui avait totalement englaudé la comtesse de Nansac en faisant le dévot, l'hypocrite, et qui était voleur, méchant et chenassier, comme disaient les gens, je ne puis m'empêcher de croire qu'il méritait ce qui est arrivé. Environ 15 jours après cette conversation, tandis que ma mère triait des haricots pour mettre dans la soupe, voici venir M. Laborie à Combenaigre. Il entra, fit « bonjour, bonjour » en m'avisant de côté et demanda où était mon père. « Il est à couper de la bruyère, » répondit ma mère. « Ou à braconner plutôt, » répartit-il. « Et ses bœufs, est-ce qu'ils profitent ?» Et, disant cela, il s'en fut à la grange. Ma mère me prit par la main et le suivit. Lorsqu'il eut vu les bœufs, M. Laborie fit sortir les brebis de l'étable, et tout en les regardant, il marmonnait entre ses dents, pensant que je n'y prenais garde. « Eh bien, tu ne veux donc pas être raisonnable? Voyons, je te porterai un joli mouchoir de tête de Périgueux, dis !» Ma mère, ne lui ayant pas répondu, après avoir tourné, viré, M. Laborie s'en alla, disant toujours sur le même ton « Tu t'en repentiras, tu t'en repentiras !» Le surlendemain, tandis que nous mangions la soupe, vers le coup de 9 heures, la chienne gronda sous la table, et le garde masquerait survenant s'arrêta sur le pas de la porte. « Monsieur Laborie vous fait dire, par l'ordre de monsieur le comte, d'avoir à vous défaire de votre chienne au premier jour. Si on la trouve encore ici, il la fera tuer. Que le bon Dieu préserve monsieur le comte et celui qui vous envoie de commander ça. » dit mon père en serrant les poings et en regardant Masqueret, les yeux pleins de colère. « Et vous n'en faites rien, sans quoi il arrivera un malheur. Pourtant, si on me le commande, il faudra bien que j'obéisse, » dit le garde. « À votre place, moi, je vendrai la chienne. Monsieur le comte assure que, d'après les anciennes lois, un paysan ne peut avoir de chien de chasse qui n'ait le jarret coupé. « C'est bon, » fit mon père. « Rapportez-leur seulement ce que je vous ai dit. » Il y eut un moment de silence après le départ de Masqueret, puis ma mère fit « Mon pauvre Martissou, le mieux c'est de vendre la chienne, comme dit le garde. Le notaire de la 12 te l'a demandé plusieurs fois. Mène-la lui, il t'en donnera bien 4 ou 5 écus peut-être, puisqu'elle est bonne pour suivre le lièvre. »« Je ne veux pas la vendre, » répondit mon père. « Alors mène-la chez ton cousin de Cendrieux, il te la gardera jusqu'à temps que nous partions d'ici. » car nous ne pouvons plus y rester, il arriverait quelque chose. « Femme, tu as raison à ce coup, » dit sourdement mon père, « je l'y mènerai dimanche qui vient. » Le samedi, comme mon père liait les bœufs pour aller quérir de la bruyère, un individu à cheval d'assez mauvaise figure vint à Combenaigre, entra dans la cour et s'adressant à mon père. « C'est vous, Martissou le croquant, le métayer de monsieur de Nansac ?» dit-il. « C'est moi. » « Alors, voilà un acte de sortie de la métairie. » Et il tendit un papier à mon père. Lui le prit, le déchira en 1000 morceaux et les jeta au nez de l'huissier. « Tout ça se payera !» dit l'autre en ricanant. Et il s'en alla bon train, parce que mon père avait pris son aiguillon un peu brusquement, de manière qu'il semblait vouloir s'en servir, plutôt pour en allonger un coup à l'huissier que pour mener ses bœufs. Depuis que nous avions reçu cet acte de sortie, et après que la chienne fut à Cendrieux, ma mère était plus tranquille. C'était l'affaire de quelques mois, et à la Saint-Jean, nous quitterions cette mauvaise métairie où nous crevions de faim. Surtout, nous ne serions plus exposés à quelque méchante affaire de la part de cette canaille de Laborie. Mais quand un malheur est en chemin, il faut qu'il arrive. Une nuit, nous entendîmes gratter à la porte avec de petits jinglements. « C'est la chienne, » fit mon père en allant ouvrir. « J'avais pourtant bien dit à mon cousin de la fermer et de l'attacher pendant quelques jours. » La chienne entra, traînant un bout de corde qu'elle avait coupé avec ses dents, et sauta après mon père en aboyant joyeusement. Ma mère ne dormit pas du reste de la nuit, tracassée de cette affaire-là et comme sentant approcher un malheur. Le matin, sur les 9 heures, nous finissions de manger la soupe, quand tout à coup la chienne sortit en aboyant, et une seconde après, nous entendîmes un coup de fusil et quelques plombs vinrent ricocher contre la porte ouverte, jusque dans la maison, l'un desquels blessa ma mère au front, ce qui lui fit jeter un cri. Mon père alors saute sur son fusil, écarte ma mère qui veut l'arrêter et court dehors. Devant lui, il voit la chienne étendue, morte, le sang lui sortant par la gueule, et à l'entrée de la cour, la borie qui rendait aux gardes son fusil déchargé. « Ah, canaille, tu ne feras plus de misère à personne !» Et avant que l'autre ait songé à se sauver, il épaule son fusil et l'étend raide de mort. Tandis que Masqueret, pâle et lui-même plus mort que vif, ne savait où il en était, ma mère survenait avec de grands cris. « Ah, Martissou, qu'as-tu fait ?»« C'est lui qui l'a cherché !» répliqua mon père. « Ça devait de toute force arriver !» Du temps qu'aidée du garde ma mère accotait la borie contre un tas de bruyères pour lui porter secours, mais bien inutilement, mon père rentre dans la maison, prend ses souliers, son gros bonnet de laine, passe le havresac en sautoir, met dedans un morceau de pain, sa corne à poudre, son sac à grenaille, m'embrasse, sort son fusil à la main et tire vers la forêt. Moi, je sortis aussi, ne voulant pas rester seul, et je fus rejoindre ma mère qui regardait piteusement ce corps étendu. Il était là, les yeux fixes, la bouche entr'ouverte comme pour crier, les bras retombés le long du corps. On voyait qu'il avait eu conscience de sa mort. Le garde avait défait son gilet et déboutonné la chemise pour se rendre compte, et au milieu de la poitrine, dans les poils rouges qui foisonnaient, le coup avait presque fait balle, et la blessure, horrible à voir, saignait. Pendant ce temps, Masqueret courait vers l'herbe, et sur son chemin semait la nouvelle, en sorte que les gens arrivèrent bientôt. Le premier qui vint, ce fut l'homme à la Million de Puymaigre. Il regarda tranquillement le mort et dit « Je plains Martissou et vous autres pour les conséquences, mais quant à ce gueux-là, je ne le plains point. » Il n'a que ce qu'il a mérité 100 fois. Et tous ceux qui vinrent des paysans de par là dirent de même, il ne l'a pas volé, ou bien c'est une canaille de moins, et autres oraisons de ce genre. Mais peu après survint grand train le comte de Nansac à cheval avec son piqueur et dont Ange Albert, qui n'étant pas trop bon cavalier, s'accrochait à sa selle. Alors tout le monde se tut. Le comte regarda le corps un instant, puis demanda à ma mère comment c'était arrivé. Après qu'elle eut dit que mon père avait tiré sur la borie, fou de colère parce qu'un plomb l'avait blessé et que sa chienne avait été tuée, monsieur de Nansac regarda la pauvre bête étendue au milieu de la cour et, reportant ses yeux sur son défunt régisseur, ne dit plus rien. Sans doute, il comprenait bien que son ordre brutal de tuer notre chienne avait amené mort d'homme et que la responsabilité de cette mort remontait jusqu'à lui, mais sur sa figure on n'y aurait rien connu. Il regardait le corps de la borie froidement comme il aurait regardé un loup porté bas par ses chiens. Au bout d'un moment, ses gens étant arrivés, il commanda de mettre le mort sur une civière qu'on avait été chercher et tout le monde repartit. Le lendemain, les gendarmes vinrent questionner ma mère sur la manière dont la chose s'était passée. Ils me faisaient grand-peur, ces gendarmes, avec leurs sabres pendus à un baudrier jaune et le mousqueton attaché à la selle. C'était la première fois que j'en voyais, et tout, depuis leurs lourdes bottes jusqu'à leurs grands chapeaux bordés, me les faisait paraître extraordinairement à craindre. Aussi, tandis qu'ils étaient là, l'un à cheval sur le banc, interrogeant ma mère, l'autre debout appuyé sur son sabre, je me faisais tout petit dans un coin. Après qu'elle leur eut tout raconté, le plus vieux fit « Tout ça c'est bien, mais maintenant dites-nous où est votre homme ?»« Je ne le sais pas, » répondit ma mère, « mais quand même je le saurais, vous pensez bien que je ne vous le dirai pas ?»« Il pourrait vous en cuire, faites-y attention. Voyons, il est revenu ici cette nuit ?»« Non. » Pourtant, on nous l'a certifié. On vous a trompé en ce cas. Enfin, après avoir beaucoup tracassé ma mère, l'avoir pressée de questions dans l'espoir qu'elle se couperait, et avoir tâché inutilement de l'effrayer, les gendarmes s'en furent à mon grand contentement. Le soir, sur les 10 heures, un charbonnier que nous connaissions pour lui avoir quelquefois trempé la soupe chez nous vint cogner à la porte. Ma mère, s'étant vitement habillée, lui ouvrit après qu'il se fut fait connaître, et lors il nous dit que mon père l'envoyait pour s'enquérir de la visite des gendarmes. Il ajouta qu'au reste, il ne fallait pas s'inquiéter de lui, attendu qu'il était couché dans une cabane abandonnée au plus épais des bois, dans un fond plein de ronces et d'ajoncs, entre la Foucaudie et le lac Vielle, où le diable n'irait pas le chercher. Seulement, il avait besoin de sa limousine pour se couvrir la nuit. Lui ayant donné la vieille limousine et la moitié d'une tourte de pain, ma mère chargea encore le charbonnier de beaucoup de bonnes paroles pour son homme, ensuite de quoi il s'en retourna. Dans l'après-midi du jour suivant, les gens de la justice vinrent avec le comte de Nansac et des domestiques du château. Il fit remettre Mascret et un autre dans l'endroit où il était avec la Borie, un autre encore à l'endroit d'où mon père avait tiré, comptèrent les pas et se remuèrent beaucoup dans la cour. Après ça, un vieux qui avait une mauvaise figure d'homme fit raconter à ma mère la manière dont ça s'était passé. Elle répéta ce qu'elle avait dit la veille au gendarme présent là avec ces messieurs, que c'était sur le coup de la colère, en la voyant blessée, elle et sa chienne morte, que mon père avait tiré sur la Borie. Tandis que ma mère parlait, le vieux tâchait de lui en faire dire plus qu'elle ne disait, mais elle se défendait bien. Lorsqu'elle eut fini, il essaya de lui faire avouer que dès longtemps, mon père projetait ce coup, mais elle protesta que non et s'en tint à ce qu'elle avait dit. Alors le vieux renard qui l'interrogeait, m'avisant dans un coin, fit signe à un gendarme. « Amenez-moi cet enfant !» Lorsque je fus là devant lui et qu'il commença à me questionner d'un air dur, faisant la grosse voix, je compris bien, quoique tout jeune, que peut-être, sans le vouloir, je pourrais lâcher quelque chose de conséquence contre mon père, et pour éviter ça, je me mis à geindre et à pleurer. Il eut beau m'interroger en français que je ne comprenais pas, en patois qu'il parlait comme ceux de Sarlat, me menacer de la prison, me montrer une pièce de 15 sous, rien n'y fit, je ne lui répondis qu'en pleurant. Voyant ça, il se leva mal content, disant « Cet enfant est imbécile !» Et passant la porte de la maison, ils s'en furent tous. Quelques jours après, nous sûmes que les gendarmes faisaient une battue dans la forêt avec les gardes du château, le piqueur, et aussi des paysans réquisitionnés la veille. Mais justement, un de ceux-là s'en fut trouvé Jean le charbonnier, et fit prévenir mon père qui, en pleine nuit noire, alla se coucher dans le fenil de cet homme, sûr qu'on ne viendrait pas le trouver là. Et, en effet, les gendarmes et tout ce monde se retirèrent à la nuit, sans avoir rien trouvé que force lièvre, un renard et deux loups, qui se sauvèrent, bien étonnés de voir tant de gens à la fois. Le surlendemain, sur la minuit, ma mère ouït gratter doucement à la porte et se leva ouvrir. Moi, je dormais et je ne m'éveillais qu'au matin, parce que mon père, avant de repartir, m'embrassait bien fort. Ma mère, les yeux brillants, sortit, fit le tour des bâtiments et revint disant « Il n'y a personne ». « Adieu donc, femme, » dit mon père, et prenant son fusil, il s'en alla. Cette vie dans les bois dura quelques semaines, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Mon père ne couchait guère jamais de nuit de suite au même endroit, dans la même cabane. Les gens des maisons écartées, des villages autour de la forêt le connaissaient et savaient bien qu'il n'était pas un coquin. Puis la Borie était si détestée dans le pays que tout le monde comprenait que, dans le mouvement de la colère, mon père eût fait ce coup et nul ne l'en blâmait. Aussi, quoique bien des gens l'eussent trouvé en allant de grand matin couper un fait de bois dans les taillis ou en se rendant au guet la nuit par un beau clair de lune, personne n'en disait rien. Au contraire, s'il avait besoin de vendre un lièvre ou de faire porter quelque chose de Thénon ou de Rouffignac, de la poudre à giboyer, de la grenaille ou une chopine dans sa gourde, on lui faisait ses commissions. Même des fois, il y en avait qui lui disaient « Martissou, viens souper chez nous, tu dormiras après dans un lit et ça te reposera, depuis le temps que tu l'as désaccoutumé. » Et il y allait, connaissant qu'il avait affaire à de braves gens. Chez nous, Il y venait bien, mais pas souvent, se méfiant que, de ce côté-là, on surveillait davantage. Et en effet, un matin, 2 heures avant la pointe du jour, 4 gendarmes vinrent entourer la maison, croyant le surprendre. Mais ils en furent pour leur chevaucher de nuit. Il ne se passait guère de jour non plus que Masqueret et l'autre garde ne vinssent rôder par là. Mais pour guetter autour de la maison après le soleil couché, ils n'osaient, sachant qu'ils n'auraient pas fait bon rencontrer mon père. Je crois bien qu'ils auraient autant aimé tourner d'un autre côté, mais le comte, qui rageait froid de savoir mon père en liberté, les y forçait. Ma mère, elle, ne vivait plus, la pauvre femme, étant toujours dans les transes, ne mangeant guère et ne dormant quasi plus, tant elle craignait que son martissou ne fût pris. Elle se disait que, de force forcée, ça arriverait un jour, car d'espérer que jamais un mauvais hasard ou la maladie, ou quelque canaille peut-être, ne le ferait prendre, ça ne se pouvait bonnement. Et alors la nuit, dans ses pensées pleines de fièvre, elle voyait la cour d'assises et la guillotine, et gémissait longuement. Si elle s'endormait de fatigue, elle en rêvait encore et se plaignait toujours. Il y avait un mois tout près que mon père était dans les bois, lorsque le comte de Nansac fit dire par ses gardes dans les villages autour de la forêt qu'il donnerait 2 louis d'or à celui qui le ferait prendre. Comme il se doutait que Jean le charbonnier voyait souvent ce coquin de Martissou et l'aidait à vivre, il lui en fit même proposer 5. « Écoutez, Masqueret, répondit Jean au garde qui lui faisait la commission. « Je ne sais pas où est Martissou, mais quand même je le saurai, ça n'est pas pour 5 louis, ni pour 20, ni pour 100 que je le vendrai. Dites ça, votre monsieur, et ne venez plus me parler de telle canaillerie. » Malheureusement, tout le monde n'était pas solide, honnête homme comme Jean, et il ne faut pas s'étonner que parmi tant de braves gens du pays, il se soit trouvé un coquin. Quand je parle d'un, ça ne veut pas dire qu'il n'y eût par là des individus capables d'un mauvais coup, et en ayant fait, ça serait faire mentir le proverbe qui dit que la forêt barade ne fut jamais sans loup ni sans voleur. Mais ceux-là même qui auraient volé sur les grands chemins étaient honnêtes à leur manière. Détrousser un homme passe. Pour le vendre, non. Mais enfin le traître s'est trouvé. Il y avait au Morésie un homme pauvre appelé Jansou, qui toute l'année déjà travaillait comme journalier au château de Lerne. Ce Jansou avait 5 enfants, petits tous, l'aîné ayant 9 ans, qui demeuraient avec leur mère dans une mauvaise baraque de maison, à fermer 2 écus par an, tandis que lui, tout au long de la semaine, couchait dans une grange là où il était occupé. Il ne venait pour l'ordinaire au Morésie que le samedi soir et s'en retournait au travail le lundi matin. Comme bien on pense, avec les 12 sous par jour que gagnaient les ouvriers de terre en ce temps-là, il avait peine à entretenir le pain assez drôle, car le seigle était cher alors, et la baillarge et le métail. De blé froment, il n'en fallait pas parler. On n'en mangeait que dans les bonnes maisons. Pour le reste, les drôles de Jansou étaient à la charité, habillés de morceaux de vieilles hardes toutes rapetassées, de mauvaises culottes en guenilles percées à montrer la peau et tenues sur l'épaule par un bout de corde. Avec ça, les pieds nus toute l'année, et couchant dans un coin de la cahute sur une mauvaise paillasse bourrée de fougères. C'est à ce Jansou que, d'après l'ordre du comte, le maître valet qui remplaçait Laborie pour le moment s'adressa. Le pauvre diable fit bien tout d'abord quelques difficultés, disant qu'il ne savait du tout où était Martissou. Mais lorsque l'autre lui menaçait de ne plus lui donner de travail et lui eut parlé de 2 louis d'or qu'il pouvait gagner facilement en le faisant guetter par son drôle l'aîné, il dit qu'il le ferait. Ce drôle, qui avait ses 9 ans, ainsi que je viens de le dire, était fin comme une belette, rusé comme un renard et méchant comme une guenon. Avec ça, il connaissait la forêt comme celui qui la courait toute l'année, dénichant les oiseaux, cherchant des manches de fouet dans les houes et faisant des commissions pour les bûcherons et les charbonniers. Plusieurs fois, il avait trouvé mon père et l'avait épié par curiosité maligne, mais sans pouvoir découvrir où était son gîte habituel, ce qui était difficile au surplus, car il en changeait souvent, comme je l'ai dit. Dans ce moment, le carnaval était proche, et quoique d'ordinaire on s'en réjouisse, ma mère le voyait arriver avec crainte, sachant bien que son martissou voudrait le faire en notre compagnie, et appréhendant qu'on ne profitât de l'occasion pour le prendre. Aussi lui manda-t-elle par Jean de ne pas venir ce soir-là, qu'il valait mieux attendre au lendemain, attendu que, le jour des cendres, on ne se douterait de rien. Le drôle de Jean Sou, à qui son père avait fait le mot, pensant aussi que Martissou voudrait fêter le carnaval chez lui, s'était caché le soir du mardi gras dans les taillis près du carrefour de l'homme mort pour les pieds. À la nuit tombante, il l'ouït venir du fond des bois et fut bien étonné lorsqu'il vit qu'il prenait le chemin de la Grand-Val au lieu de celui qu'il aurait mené à Combenaigre. L'ayant suivi de loin pieds nus sans faire de bruit, il le vit entrer dans la maison où on l'avait convié. C'était chez de braves gens, à leur aise, qui étaient fermiers dans le bien de famille du curé de Fanlac. La veille, la femme peinait en pensant que le pauvre Martissou n'oserait pas aller chez lui et ferait carnaval au profond des fourrés avec quelques morceaux de pain, l'avait fait engager par son homme. Aussitôt que la porte fut refermée, le drôle s'en galopa prévenir son père, qui courut au château prévenir que Martissou était chez le ray de la Grand-Val. Sur le coup, un homme à cheval par grand train avertir les gendarmes, qui laissent là leur souper et viennent en grande hâte. À une centaine de pas de la Grand-Val, ils donnent leurs chevaux à Jean Sou qui les attendait, et, à petit bruit, aidés des gardes de l'herme, cernent la maison. Il était sur les 11 heures du soir. Tous ceux qui étaient là avaient bien festoyé, et ils chantaient en trinquant avec du vin cuit, lorsque deux gendarmes poussèrent la porte brusquement et entrèrent. Ce fut une grande surprise, comme on pense. Tandis que chacun s'écriait, mon père court à son fusil qu'il avait posé dans un coin, mais il se trouva qu'on l'avait ôté et mis sur un lit à cause d'un petit drôle qui voulait s'en amuser. Alors il se lance vers la fenêtre et l'enjambe, malgré les deux gendarmes qui le voulaient retenir, et tombe dans les mains des deux autres qui la gardaient. En un rien de temps, il fut enchaîné, les mains derrière le dos, tandis que la femme du ray pleurait et se lamentait, disant d'une voix bien piteuse « Oh, mon pauvre Martissou, c'est moi qui en suis la cause. Pardonnez-moi, je croyais bien faire. » « Non, non, Catissou, vous êtes une bonne femme, et les vôtres sont de braves gens, mais j'ai été vendue par quelques canailles. Adieu à tous et merci, » cria-t-il comme on l'emmenait. En arrivant à l'endroit où étaient les chevaux, mon père vit Jean Sou qui les tenait. « Ah, c'est toi qui m'as vendu, Gueusard. Si jamais je sors, tu es sûr de ton affaire. » Là-dessus, les gendarmes lui attachèrent au cou une corde que l'un d'eux tenait en main, puis, étant remontés à cheval, ils mirent le prisonnier entre eux et l'emmenèrent. Cette canaillerie ne porta pas bonheur à Jean Sou. Une fois qu'il eut ses deux louis, lui qui n'en avait jamais vu, il se crut riche. Mais ils ne durèrent pas longtemps, car le nouveau régisseur du château mit des métayers dans les domaines tenus en réserve, de manière qu'il n'y eut plus d'ouvrage pour lui. Dans le pays, personne ne se souciait de le faire travailler à cause de sa méchante action, et ainsi, bientôt ayant mangé les deux louis, lui et les siens prirent le bissac et disparurent. Encore aujourd'hui, de ses côtés, lorsqu'on veut parler d'un homme à qui il ne faut pas se fier, on dit « traître comme Jean Sou ». Pour moi, c'est une canaille sans doute, mais je trouve ceux qui, par argent et menace, lui ont fait faire cette coquinerie 100 fois plus misérable que lui.